Merci, vous allez bien? On blaguait hier. Serge disait, ah, oh, c'est toi qui prêches. Je vais avancer l'horloge de 30 minutes pour que tu finisses à midi comme faut. Pas que ça soit trop long. Je suis désolé. C'est pas de ma faute. Dieu me fait comme ça. Je suis tellement béni d'être ici. Tu sais, des fois, tu rêves. Tu sais, on entend, nous, on nous parle de, tu sais, des cinq ministères et d'avoir tous les styles différents. Et puis ici, on les a, on a chacun, oui, on n'est pas défini simplement par un titre ou un style, mais on a chacun un style différent, on a chacun des personnalités différentes. Il y en a qui ont plus un accent pastoral, d'autres plus enseignants, d'autres plus apôtres, d'autres plus évangélistes et d'autres plus au niveau prophétique. Puis c'est tout mélangé ensemble, puis ça fonctionne bien ensemble. Puis des fois, faut quasiment je me pince. C'est-tu vrai? C'est-tu vrai ce qu'on vit? C'est-tu. Non, c'est vrai. C'est vraiment particulier. Je suis vraiment béni. Moi, je l'ai dit toujours, avant même qu'on commence, c'était déjà mon rêve d'être ici. Je vis mon église de rêve. Et plus ça va, plus c'est pareil. Plus on le vit très, très bien. Le titre de mon message ce matin, c'est « De la terre jusqu'au ciel ». On était hier pour le service d'André. Et c'était pas quelque chose nécessairement de facile. Ça nous a attristés pour la plupart d'entre nous. Mais il y avait un passage qui revenait. Et puis, je me disais, moi, j'ai préparé mon message sans savoir ce sur quoi Pierre était pour prêcher, sans savoir que les versets, un des versets qu'il apporterait, je l'apporterais ici pour nous. Et je pensais même au titre. C'est notre défi pour chacun d'entre nous de partir de cette terre-là et de se rapprocher du ciel. C'est notre défi pour chacun d'entre nous. C'est ce que la plupart des gens aspirent. Et même les scientifiques le disent que l'homme est fait avec un désir spirituel. On peut le chercher de toutes sortes de façons, mais l'homme est fait, son cerveau fonctionne, nous sommes formés, nous sommes faits avec une aspiration spirituelle. Et chacun d'entre nous, on met notre foi en quelque chose. Et la qualité, notre satisfaction, notre bien-être, notre progression spirituelle va être à la mesure de l'objet de notre foi. Si notre foi n'est pas basée sur des bonnes choses, si notre foi n'est pas mise en place sur des bonnes choses, notre édification sera fragile, ça va être un château de cartes. Tout ce qu'on va bâtir là-dessus ne tiendra pas. Mais si notre foi est mise sur un roc, si notre foi est mise sur quelque chose de solide, si nos espérances sont dans quelqu'un qui peut les accomplir, dans une parole qui peut les rendre réelles, alors, non seulement nos vies seront changées, non seulement nous goûterons à quelque chose d'autre, mais encore plus, ce qui va couler de nous va abreuver le monde qui nous entoure. J'aime tellement ce passage-là, où Jésus est à la fête et il dit, qui a soif? Que quiconque qui a soif, là je vous paraphrase, c'est pas le verset exactement, c'est pas dans les mots exacts, mais quiconque qui a soif, qui vienne à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Nous vivons dans un monde, dans une région du monde où, à cause des abus spirituels, tout ce qui est lié à Dieu est vu avec suspicion. Mais les désirs des gens restent quand même. Ce besoin-là spirituel est quand même là. Et quand des sources d'eau vive coulent d'un être réel, d'une personne de chair et de sang, autour d'eux, ces gens-là ne peuvent que venir à eux. Ça devient quelque chose de réel. C'est le défi de l'Église. Je vous ai dit que le thème du message est le discipola. C'est le développement du disciple. Le disciple, quand on en parle dans la Bible, c'est un mandat clair qui nous a été donné par Jésus. Quand il s'en va, C'est les dernières instructions qu'il donne. Nous, on est parents, on ne les laisse pas encore à la maison. On a encore 3-4 ans de sursis, là. Mais ça va venir. Toi, tu as des adolescents, Marie-France, hein? Tu sais que la dernière chose que tu leur dis, c'est très, très, très, très important. Hein? Oublie toutes les conversations qu'on a eues là, je m'en vais, là. C'est la dernière chose que je te dis. Ça, c'est hyper important. Tu passes à côté de ça, là, je vais revenir, est-ce que je vais avoir encore une maison quand je vais revenir? Jésus quitte, donne ses instructions à son Église, à ses disciples, à ceux qui ont cru en lui, Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, partez de où vous êtes, allez un petit peu plus loin, allez encore un petit peu plus loin, je vous paraphrase. C'est pas exactement ce qui est dit, mais je vous donne le sens. Allez, de ce qui est votre environnement proche et même plus loin, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à des endroits que vous n'auriez jamais imaginés. Et partout où vous allez, faites de ces nations-là, de tous ces gens-là, de ces rencontres que je vais permettre que vous ayez des disciples. C'est le défi de l'Église. C'est non seulement le défi quand on se dit dans une région du monde qui est peu évangélisée, où l'Église, où le message de l'Évangile, la bonne nouvelle que nous avons en Jésus-Christ, a peu d'impact. Mais c'est aussi vrai dans des endroits où on pourrait dire, oh, ils ont l'affaire. Des endroits où le pourcentage est quand même assez élevé, où ils sont 10 à 20 à 30 fois plus nombreux de chrétiens que nous. Le défi, c'est d'être des disciples. Le défi, ce n'est pas de remplir une église. Le défi, c'est de remplir cette église-là de disciples qui forment des disciples, qui forment des disciples, qui forment des disciples. La réalité est non seulement ici, un peu partout, et c'est une constatation que beaucoup de gens se font, beaucoup d'hommes de Dieu se font, même certains hommes de Dieu ont arrêté de mettre la pédale sur la croissance, ont arrêté de dire « Oh, il faut que l'Église soit plus grosse, il faut que l'Église soit plus grosse, il faut que l'Église soit plus grosse », parce que tout ce que ça faisait, c'est de multiplier les problèmes. Au lieu d'avoir 20 problèmes, bien, l'Église doublait, il y en avait 40 problèmes, puis il y en avait 50 problèmes. Ça se multipliait les problèmes, parce qu'on peut remplir des gens, mais Dieu ne nous appelle pas non seulement à remplir, il doit avoir une croissance, mais cette croissance-là doit s'accomplir d'une croissance spirituelle. Le caractère de Jésus doit se refléter dans les gens. Les gens qui entrent ici doivent se dire, « Oh, c'est différent de l'extérieur. Les gens que je rencontre ici sont différents de l'extérieur. » Il y a un reflet de Jésus dans leur vie. Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus, où va-t-il voir Jésus-Christ en premier? Dans les gens qui se disent ses disciples. Vous savez que le nom chrétien est un sobriquet? C'est un sobriquet. Les gens se moquaient d'eux. Dans la ville, c'était-tu à Éphèse? Non, c'était pas à Athènes. Où est-ce qu'il était, Paul? Sa base? À Antioche. À Antioche. Ils ont commencé à avoir un impact. Et on a commencé là qu'on a commencé à les appeler chrétiens à Antioche. Parce qu'il était comme le Jésus-Christ qui parlait tout le temps. Alors, c'est un sobriquet, il se moquait d'eux. Les gens voient Jésus. C'est très rare que Jésus apparaît à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler. Les seuls endroits où tu as des apparitions comme ça, c'est des endroits où il y a zéro témoignage. Myriam nous parlait de certains pays où tu t'affiches chrétien. Tu ne peux plus y aller. Nous, on avait dernièrement le responsable des gens qui sont en ministère dans les milieux à accès restreint. Les milieux à accès restreint, tu ne peux pas y aller comme un missionnaire chrétien. Ils vont comme homme d'affaires. Mais il y a des endroits où ils ne peuvent même pas avoir accès. Il y a beaucoup de témoignages de gens dans des pays, entre autres musulmans, où ils ont des visions de Jésus. Mais autrement, ici, je vous dis, il n'y aura pas de vision de Jésus. Pourquoi? Parce que tu es là. Tu es la vision de Jésus. Ça peut être, c'est encore plus d'impact parce que quelqu'un a une vision de Jésus, il peut se réveiller et dire, « Oh, elle était vraiment bonne la pizza que j'ai eue hier soir. J'aurais pas dû la prendre avec anchois ou j'aurais pas dû prendre une pizza avec l'ananas. Je sais pas ce que j'ai vu, j'ai eu une vision d'un homme en blanc qui m'est apparu. » Ça peut être subjectif, mais quand tu rencontres quelqu'un qui reflète vraiment Jésus, C'est concret. Jésus a voulu que ça soit comme ça. Il a dit, je bâtirai cela. Et ça ne sera pas l'œuvre d'une seule personne. Ça va être l'œuvre d'un groupe, une église. C'est pour ça qu'il parle de l'église comme étant un corps. Il parle de nous comme étant des pierres vivantes qui le reflètent, qui reflètent qui il est. Et ensemble, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même. Il dit, vous allez faire de plus grandes choses que moi encore. Là où il était, il a eu un impact. Mais quand son église s'est mise en marche, les gens, quand ils ont vu, ceux qui ont bouleversé le monde sont maintenant ici. Ces gens-là ont bouleversé le monde. Dieu multiplie son impact. Quelle grâce nous avons en lui. Mais voici la réalité, c'est que si on ne vient pas des disciples, ça ne prendra pas place. Et si on regarde concrètement ce qui prend place, pour beaucoup, il y a pour beaucoup d'églises, et ça c'est un peu partout, pas simplement dans des endroits où c'est difficile, il y a un déficit de maturité. Il y a un surplus de superficialité. On est à l'image de notre culture nord-américaine où c'est dans la consommation, c'est dans les choses superficielles. Un déficit de maturité, un surplus de superficialité. Où, j'étais avec mon ami Eric hier et on parlait de comment on peut des fois faire une gestion spirituelle, mais pas très profonde. Où c'est, ça peut être superficiel. On sortait les acronymes. Vous savez, on entend souvent parler de PPP, partenariat public-privé. Nous, on avait des GRP, des gestions par révélation prophétique ou révélation spirituelle, par révélation personnelle. Combien de gens, des fois, reçoivent, puis c'est pas clair, mais ils pensent que Dieu m'a dit telle chose, puis tu sens que c'est parce qu'il y avait vraiment beaucoup le goût que cette chose-là s'accomplisse, alors ils mettent Dieu m'a dit dessus, puis là, tu peux pas avoir de conversation, même si ça n'a pas de sens, même si c'est... Tu as plein de passages bibliques qui disent exactement le contraire. Qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un que Dieu m'a dit? Moi, je ne suis pas Dieu. Mais tu ne peux pas gérer ta vie par révélation personnelle, par des révélations très, très personnelles, interprétation personnelle. Tu dois gérer, tu dois avoir un GPR, gestion par révélation biblique. Ça doit être basé sur quelque chose de solide. La Bible, c'est la personne même de Jésus. Tu ne peux pas avoir une gestion par émotion ressentie, un GPER. Je me sens comme... Je sens que Dieu veut que je fasse ça. Aujourd'hui, je sens que j'ai goût d'aller à l'église. Hier soir, je sentais que j'avais le goût de me coucher tard. Alors, ce matin, je sens que j'ai pas le goût d'aller à l'église. J'ai pas le goût de vivre. Si c'est toujours comment tu te sens, tu ne te sentiras pas toujours bien. Mesdames, vous comprenez, on ne se sent pas toujours bien tous les mois de la, tous les jours de la semaine et toutes les semaines du mois. Il y a des moments où, par émotion ressentie, des fois, je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a des émotions qui sont ressenties, je ne comprends pas. Puis là, je fais un calcul dans ma tête. Tu ne peux pas gérer ta vie comme ça. Ça doit être une gestion par connaissance de Jésus-Christ. Un GPCJC. Par lui. Lui, il ne change pas. Lui est stable mois après année, d'éternité en éternité. Il était stable avant qu'on soit là. Il était stable avant la création du monde. Puis il sera stable quand ce monde-là va être changé, qu'il va être restauré, qu'il va... Il ne change pas. Quand tu gères ta vie par ta connaissance que tu as de Jésus-Christ, il n'y a pas de place à la déception. C'est ça être un disciple. Il y a trop, je vous dis, il n'y a jamais eu autant de connaissances. Il y a trop de nous savons. On n'a jamais su autant de choses. On n'a jamais eu autant de formations, de livres, de ressources, de programmes, de tellement de choses qu'on peut savoir sur Jésus. Et pas assez de « nous sommes ». C'est pas le bon S. Diminue un peu sur le savoir, puis augmente un peu l'être. Il y a des gens qui sont bien heureux, ils ne connaissent pas tout, mais ce qu'ils connaissent, ils mettent en pratique, c'est concret dans leur vie. Trop de nous savons, pas assez de nous sommes. Trop qui aiment le plan. qui étudie le plan de Dieu et toutes les révélations. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Comment je peux, comment les connaissances peuvent se mettre en place? Comment, tu sais, vous savez qu'il y a des gens qui ont fait des études, combien d'anges peuvent tenir sur la tête d'une épingle? Ça, tu es vraiment dans un domaine très spécialisé de l'angéologie. Combien d'anges peuvent tenir? Puis il y avait des gens qui débattaient. Ça, c'est la folie humaine. Où on cherche Dieu, puis on se perd dans le champ des notions spirituelles. On se perd dans toutes sortes de choses. Alors, parce qu'on cherche le plan, puis on cherche le plan, puis on cherche le plan, puis on veut avoir tous les détails du plan. On veut que le plan soit tout bien, bien établi, au lieu de commencer à bâtir. Pas assez qu'ils bâtissent. Trop qu'ils planifient, pas assez qu'ils bâtissent. On pourra en parler longtemps, longtemps, longtemps. Dans certaines cultures, les hommes se retournent en dessous d'un arbre, les pays où il fait plus chaud, puis ils réinventent le monde. Puis le soir, ils rentrent chez eux, puis il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Puis ça, tu retrouves ça dans toutes les cultures. Des rituels, on en parle, mais ça reste un plan, ça reste dans les airs, c'est pas concret. Ça, c'est pas le Jésus qu'on connaît. Jésus n'est pas venu, puis il a juste envoyé une annonce, il n'a pas tweeté. Voici, je viens pour le salut de l'humanité. Acceptez-moi, mais likez-moi. Venez au ciel. Non, il est venu concrètement. Il n'en a pas simplement parlé, il a incarné le message de l'Évangile, il a donné sa vie. Quand on l'a fouetté, c'était des vrais fouets. Son dos a été meurtri pour notre guérison, pour notre restauration. Son sang a coulé pour notre pardon. Il a donné sa vie. C'était concret. C'est pas « je t'aime, like-moi, s'il vous plaît ». Hein? Puis il y avait des sketchs comme ça. Être à l'hôpital, ben envoyez-y un like. Ah, mais peut-être que je pourrais lui faire « non, envoyez-y un like, un petit emoji, sourire, clin d'œil ». On a un couple dans notre assemblée. Leur fils a été gravement brûlé. Je ne sais pas si François il serait autant touché si vous faisiez juste liker sur Facebook. Hein? Lâche pas la patate, François. C'est beau. Like. Partagez, mes amis. Ça, c'est notre culture, mais la réalité de Jésus-Christ va au-delà de ces choses-là. Alors, trop de plans, trop de choses superficielles, pas assez de choses concrètes, trop de nominal, pas assez de, et là c'est un terme en anglais, incarnational, d'incarnation, pas assez d'incarnation, trop de nomination, trop de noms. On se dit chrétien, mais on l'incarne pas. Est-ce qu'on incarne Jésus? Est-ce que c'est juste un titre? Est-ce que c'est juste, on va mettre en place notre membership en 2017 par la foi, Pierre. Par la foi. L'Église n'était même pas commencée. On avait déjà des demandes pour être membre. Mais, tu sais, c'est pas juste une carte de dire « je suis membre ici ». Est-ce qu'on l'incarne? Est-ce qu'on représente Jésus dans ce qu'on est? Trop d'adhérents, pas assez de disciples. Oh, j'adhère ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la notion des chrétiens. J'aime beaucoup la philosophie chrétienne, j'aime beaucoup. Mais le disciple, c'est pas qu'il aime beaucoup, c'est qu'il est beaucoup. C'est qu'il représente. Il suffit au disciple d'être, pas comme de parler du maître, pas comme d'être, mais il suffit d'être au disciple d'être comme son maître. De le représenter concrètement, de le représenter dans ses paroles, dans ses gestes, dans ses attitudes. Tout un défi. Tout un défi. Je vous dis, il y a des gens qui passent des heures, des efforts. Il y a des gens qui ont viré leur église à l'envers, qui ont tout changé. Quand ils se sont rendus compte, hey, on passe à côté de ça. Je remplis mes bancs, mais je ne forme pas de disciples. Je regarde dehors, je regarde dans dedans, cherche la différence. Je me gratte la tête, je ne la vois pas. Ça ne devrait pas être comme ça. Quand on ouvre la porte à ce que Dieu nous change, il y a des grandes choses qui se passent. Mais je vous dis, je veux être sincère avec vous. Qui change sans effort ici? Qui a été capable d'accomplir ça une fois dans sa vie? J'aimerais me baisser à tes pieds et les embrasser. Qui est capable de changer sans effort? Qui a vraiment des changements, des vrais changements, des changements profonds où ton caractère est confronté? Où ce que tu ne veux pas voir, ce qui est dans le coin de ton miroir, ce que tu caches, parce que ce n'est pas ton bon angle. Quand tu te regardes dans le miroir, tu le mets sous ton bon angle. Mais la partie de ta vie, cet aspect-là de ta vie qui est moins beau, qui est capable de changer ça sans difficulté? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est extraordinaire? Est-ce que Superman est avec nous ce matin? Wonder Woman, peut-être? Non. Tu es ma Wonder Woman. Ça se fait pas. J'aimerais ça que ça soit comme ça. Jésus nous amène à changer. Demandez-vous pas pourquoi Jésus, ça fait réagir tout le monde. C'est juste normal. Jésus va faire réagir, parce qu'avec Jésus, il n'y a pas de statu quo. Tu ne restes pas le même. Tu ne restes pas dans tes... Jésus t'aime tellement qu'il veut t'amener à changer. Et comment tu peux parler de ce Jésus-là qui change la vie des gens, qui te transforme, si toi-même, tu ne l'as pas goûté? Quelle crédibilité! Il dit, va, bois, goûte à cette chose que j'espère un jour moi-même goûter un jour. Expérimente cette grandeur, expérimente ce Dieu-là qui touche ma vie, que moi j'espère un jour rejoindre. On ne peut pas être crédible dans ce qu'on reçoit de la part de Dieu si nous-mêmes on n'y a pas goûté. Dieu m'a fait une grande grâce dans ma vie. Il m'a cassé une coupe de fois. Il m'a fait passer par les chemins de la souffrance. J'ai beaucoup aimé quand tu as apporté ton message, Marie-France. Surtout la partie où tu as été très sincère. Où tu as été très sincère. C'est une grâce que Dieu nous fait. C'est une grâce. Tu veux marcher dans la grandeur. Tu veux voir Dieu agir grandement dans ta vie. Tu veux sortir de l'ordinaire. Tu veux goûter à des grandes choses. Es-tu prêt à marcher dans des temps où ce que Dieu va te montrer, ça va être souffrant? Les faiblesses, tes failles vont être mises à nu pour que lui puisse les transformer. Et tu pourrais être confronté sur ces choses-là. Moi, je veux vous dire les vraies choses. Oui, Jésus restaure. Oui, Jésus console. Quand tu es en morceaux, il te remet. Il te rebâtit tout ça. Mais on a chacun d'entre nous des aspects de notre vie, des choses mauvaises à cause de notre nature pécheresse auxquelles on s'attache et on y tient serré. Et Dieu nous aime trop pour nous laisser dans ces choses-là. Souvent, il peut pas nous forcer à les lâcher, mais il va mettre les circonstances dans notre vie où ça devient intenable. Intenable. Et je ne connais pas une personne qui a abandonné des aspects sombres de sa vie parce que Jésus l'a dirigé pour ces choses-là et qu'il l'a regretté par la suite. Je n'en connais pas encore une seule. Ces gens-là, c'est des héros. Ces gens-là, c'est des gens qui sont grandis. Ces gens-là, c'est des gens qui marchent de l'avant. Ces gens-là, c'est des références pour chaque personne. Tu te demandes qu'est-ce qu'elle a eu. Comment ça se fait que cette personne-là est aussi extraordinaire? Comment ça se fait que Dieu agit pleinement dans sa vie? Cette personne-là, à un moment donné, a été brisée. Elle en est devenue un disciple. Premier prédicateur de l'Évangile, Pierre. Dans un moment très fort de sa vie, Pierre était toujours là. « Je suis là pour toi, Jésus. Je suis là pour toi, Jésus. » Tout le monde connaît cette histoire-là. Même des gens qui n'ont pas jamais entendu parler beaucoup de la Bible, beaucoup connaissent cette histoire-là. Le coq chante trois fois. Il renie trois fois. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Pierre est brisé, cassé, confronté par sa superficialité, confronté par son impulsivité, confronté par toutes les faiblesses de son être. Jésus est ressuscité, il voit Jésus, il se sent indigne. Jésus lui demande, est-ce que tu m'aimes? Il dit, oh, je te like un peu. Version moderne, là. Je suis pas gros cœur, là, tu sais, dans Facebook, là, je suis pas cœur, là. Moi, je suis juste petit pouce comme ça. Non, est-ce que tu me cœurs? Non, je suis petit pouce. Petit bonhomme sourire, l'âme sur le coin de l'œil. Pas encore ta fête près, là. Je suis pas là, là. Pierre est brisé. Jésus dit, quand tu seras relevé, là, je vais faire quelque chose avec toi. Là, tu vas être vraiment mon disciple. Pierre s'est levé pour chaque renie, 1000 personnes ont donné sa vie à Jésus. Quand il a prêché, c'est dit 3000. C'est probablement 3000 hommes, parce qu'on ne comptait pas les femmes et les enfants. C'était comme un package deal, là. Compte pas, quand il parle des foules, il compte juste les hommes, parce que je sais pas, ça va plus vite, je n'ai aucune idée, c'est la culture. Hey, Dieu a changé ça, cette culture-là aussi. Pourquoi on considère les femmes? À cause du christianisme. Le christianisme considère les femmes. Jésus marchait avec les femmes. Il y avait des femmes qui avaient des ministères avec Jésus. Ça, c'était révolutionnaire. Changement total. Tous ces gens-là, tu ne verras jamais quelqu'un être utilisé de la part de Dieu sans être en quelque part brisé, sans être confronté par sa faiblesse humaine, sans être confronté par tout son péché, sans être confronté par toutes ses limites. Quand les gens qui acceptent d'entrer là-dedans, qui acceptent d'être un vrai disciple, d'être vraiment transformé par Jésus, ces gens-là font des choses extraordinaires. Et je vous dis, ce n'est pas une option. Pas comme un voyage. Est-ce que tu peux prendre un siège côté fenêtre, siège qu'au centre, avec déjeuner, pas de déjeuner, chambre avec vue, tout ça. Il n'y a pas d'option là-dedans. Tu te rapproches de Jésus, tu vas être confronté par ta faiblesse humaine. Tu te rapproches de Jésus, tout ce qui t'éloigne de lui va être mis en lumière. Ça, c'est une certitude. C'est ce qui fait que beaucoup de gens vivent dans les limbes spirituelles. Si tu ne veux pas changer, tu ne pourras pas progresser. Et puis tu les rencontres, puis ça nous arrive à tous, des gens qu'on a connus il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu les rencontres, puis c'est comme si tu les avais laissés hier. Il n'y a pas de changement. C'est la même personne. Ils font les mêmes choses. Puis tu parles d'eux, puis c'est les mêmes discours de la part de Dieu. Il n'y a rien qui m'attriste plus que cela. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Dieu nous a appelés à infiniment plus. Infiniment plus. Il nous a appelés à goûter des choses qui vont infiniment au-delà de ça. Alors, ce matin, je vais me concentrer sur 4 versets. Et je vais vous les présenter comme étant des principes. Ce n'est pas une règle. C'est pas, il n'y a pas d'étape précise. C'est des grandes choses pour que chacun d'entre nous, on puisse se retrouver là-dedans. Pour que chacun d'entre nous, on puisse comprendre comment le processus de comment Dieu travaille. Et je t'assure, si tu mets ces choses-là en pratique, quand je vous dis, je devrais dire, si nous mettons ces choses-là en pratique, parce que c'est un message qui est proche du cœur, je m'inclus dans ce message-là. Si nous les mettons en pratique, c'est alors que les choses qui vont se passer ici vont être incroyables. Les choses qui vont se passer dans nos vies vont être incroyables. Puis de l'abondance de notre cœur, de l'abondance de ce que Dieu déverse dans notre vie, notre bouche va parler, nos gestes vont se manifester. Ça va devenir plus fort que nous. Alors, êtes-vous prêts à embarquer dans ce chemin avec moi? Le passage que je vais vous lire, c'est dans Éphèse. Éphèse, c'est la troisième ville de l'Empire romain. Troisième plus grande ville, il y avait Rome. Là, tu parles de quelque chose de gros dans l'Antiquité. Là. Tu ne parles pas d'eau. Ils ont de l'eau courante. Juste, il manque l'électricité. Ils ont de l'eau courante à Rome, là. Ils ont des systèmes d'aqueduc. Ils sont capables de soutenir 1 million de personnes dans un petit espace comme ça, là. Vous savez, là, il faut que l'eau qui rentre, puis il faut que ça s'évacue aussi. Il y a beaucoup de choses à évacuer. 1 million de choses à évacuer, là. Ils ont tout un système développé à Rome. Il y avait Alexandrie en Égypte, qui était la deuxième plus grande ville. Éphèse, c'est la troisième plus grande ville. Éphèse, c'est à peu près la grosseur de Longueuil, 250 000 habitants. Une ville où tu as toutes les cultures et une ville où il y a une des 7 merveilles du monde, le temple d'Artémis, le temple de Diane, avec toutes ses colonnes. Beaucoup d'idolâtrie, toutes sortes de mélanges, très, très proche de ce qu'on peut vivre ici même. On dit, oh non, dans le temps, c'était plus facile. Non, c'était pas plus facile. Parce qu'il y en a qui se faisaient couper la tête, qui se faisaient jeter au lion, qui mouraient martyrs. C'était pas plus facile dans le temps. Même réalité, l'homme n'a pas tant changé que ça au cours de toutes ces années-là. Et c'est le message que Paul adresse à cette église-là. Il faut comprendre, Paul, qui est un des grands écrivains du Nouveau Testament, était quelqu'un qui avait débuté comme Saul de Tarse, qui persécutait l'Église, au point qu'on doutait de est-ce vraiment quelqu'un qui, qui s'est converti? Est-ce qu'il a vraiment accepté Jésus? Là? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, il mettait des gens en prison ou il approuvait des gens qui tuaient des chrétiens. Et c'est Paul qui a écrit cela. C'est Paul qui a eu une rencontre, qui a vraiment eu une transformation. Je ne sais pas combien, il y a 360, mais lui, il devait être à 720 degrés. Il a fait une coupe de tour, Paul. Vraiment complètement transformé. Au point que c'est un homme qui fait la prison et que ses plus grands écrits, il les a écrits alors qu'il est en les chaînes. Alors qu'il est en prison parce qu'il sert Dieu. Il n'y a rien qui l'arrête. Ça ne peut pas être autrement que quelqu'un qui a vécu une expérience vraiment forte, puissante avec Dieu. Et voici ce qu'il écrit dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Éphésiens, le 4e chapitre. Je vais vous lire le verset 20 à 24. Et juste pour vous donner le background un peu en arrière de ça, il les exhorte, il dit, « Vivez pas comme les gens d'Éphèse. Soyez vraiment différents d'eux. Vivez pas comme eux, ils sont... » Et là, je vous paraphrase le texte. Ils sont étourdis, ils ont le cœur assombri. Leur raisonnement est futile, leur raisonnement est fou. Ils ont toutes sortes de mauvaises façons de vivre. Ils vivent toutes sortes de choses mauvaises, toutes sortes d'immoralités, beaucoup de désordre, beaucoup de choses mauvaises qui se vivent. Vous, soyez vraiment différents d'eux. Et voici ce qu'il leur explique. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins, c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet des désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. 4 versets, 4 étapes dans ce processus-là. Très clair, très simple. J'y vais sur le premier verset. Éphésiens 4, verset 20. Je vous la lis dans la seconde 21e siècle. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. L'Évangile avant, l'Évangile pendant et l'Évangile après. Savez-vous que la Bible n'a pas été écrite en français? Le français, c'est une très belle langue. La Bible a été écrite en grec. Même pas le grec moderne, mais le koiné, le grec antique. Et le mot qui est traduit par connaître, il y a des temps spéciaux dans le grec. Puis il y a un temps qu'il n'y a pas vraiment de temps. Ça peut être au passé, ça peut être au présent, ça peut être au futur. Vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître, à avoir connu Christ, à le connaître maintenant, à le connaître dans le futur. Ce n'est pas comme ça que vous avez appris à connaître Christ. La base de toute chose, la base d'un disciple, c'est Jésus. L'Évangile n'est pas seulement quelque chose qu'on proclame, un événement qu'on a reçu dans notre vie alors qu'on a accepté Jésus, et puis après qu'on range dans les tablettes comme un trophée, comme un Grammy ou comme un Oscar, qu'on polie, qu'on met « Ah, oh, ça c'était l'Évangile que j'ai accepté, ça c'est l'Évangile que j'ai reçu. » L'Évangile n'est pas simplement quelque chose qui est là, figé, dans le temps, ou quelque chose de passé, ou quelque chose qu'on proclame comme grande porte d'ouverture pour la vie chrétienne. L'Évangile est la vie chrétienne. Du moment que tu viens au monde, avant même que tu connaisses les choses de Dieu, jusqu'à son retour, si jamais il revient de ton vivant, l'Évangile est la vie chrétienne. Tu en avais besoin alors que tu ne le savais même pas que tu n'avais besoin. Tu l'avais besoin alors que tu étais loin de lui, alors que tu étais obscurci dans ton jugement, alors que l'effet du péché dans ta vie était grand, alors que tu pensais que tu n'en avais pas besoin, que tu ne l'avais pas expérimenté, tu en avais besoin. Tu en as eu besoin quand il s'est révélé à toi, quand tu as vu, que tu as compris que tu avais besoin d'un sauveur, quand tu as compris l'amour qu'il avait pour toi. En se donnant lui-même, tu en as eu besoin, tu avais besoin de le connaître. Et on a encore besoin aujourd'hui. Tu en as besoin à chaque fois qu'il y a un souffle de vie qui sort de toi, tu as besoin de le connaître. Le connaître, c'est le commencement de toute chose. Le disciple connaît son maître. La brebis connaît son berger. Elle connaît sa voix. Là où elle entend sa voix, elle le suit. Jésus est là pour nos vies. Il est là pour nous transformer. La base de toute chose, la base du disciple, c'est de marcher dans une connaissance de Jésus. Tu veux être transformé, cherche à le connaître. Cherche à le connaître. Tu ne te tromperas pas. Cherche à le connaître. Tu veux vivre des grandes choses dans ta vie. Tu veux être autre chose que toi-même. Tu veux te dépasser toi-même. Cherche à le connaître. C'est la grande porte. C'est le grand chemin. C'est l'autoroute de la croissance spirituelle. C'est l'autoroute de vie transformée. C'est l'autoroute d'une église vivante, une église où Jésus était, il est et il sera, où tout tourne autour de lui, où il est le commencement de toute chose. Verset 21. Si du moins, Éphésiens 4, verset 21, si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. Pourquoi pensez-vous qu'on prêche? Pourquoi pensez-vous qu'on prie? Pourquoi pensez-vous qu'on s'exhorte? Pourquoi pensez-vous qu'on met toutes ces choses-là en place? Pour le connaître. Pour le connaître. Pour goûter qui il est, pour expérimenter qui il est. Il y a quelque chose de puissant. Si tu as écouté, si tu as entendu de lui, quand je proclame la parole de Dieu, quand je proclame des vérités sur qui est Jésus, j'ouvre une porte à ce que Dieu change dans nos vies et à ce qu'on soit confronté par toutes nos limites, toutes nos faiblesses, tous nos manquements, tout ce que nous sommes. C'est pour ça que Jésus ne laisse jamais indifférent. C'est pour ça que quand tu parles de Jésus, quand la parole est proclamée, quand tu le cherches en prière, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Tu entres dans un chemin pour ta transformation. Tu entres dans un chemin pour ton renouvellement. Tu entres dans un chemin pour ne plus être le même, être dépouillé de ta vie passée. C'est pour ça que nous allons toujours proclamer ce qui est Jésus. C'est pour ça que par la grâce de Dieu, on va établir des réunions exclusivement de prière à l'Église communautaire Mountain View pour le connaître. C'est pour ça que c'est dans notre vision de base. Une Église où tous sont appelés à connaître Jésus. Quand tu connais Jésus, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Quand tu t'approches de lui, il te parle. Et tu ouvres une porte pour ton changement. Il ne s'imposera jamais dans ta vie. Mais il peut rendre ton péché intolérable. Alors que tu t'approches de lui, il peut rendre ces choses-là intolérables. Pourquoi, à chaque fois qu'il y a une apparition où la gloire de Dieu vient, les gens tombent à terre? Pourquoi pensez-vous ces choses-là? Pourquoi ça prend place? Pourquoi les gens qui aiment Jésus, alors qu'ils viennent dans sa gloire, disent « Oh, malheur à moi, pauvre de moi, pécheur que je suis! » Jésus vient pour nous transformer. Alors qu'on marche, qu'on l'expérimente, qu'on le connaît, on est surpris par le mal qui prend place en nous. Paul se décrivait lui-même au début comme étant le moindre des apôtres. Et vers la fin de sa vie, il dit « Je suis le plus grand des pécheurs. » C'est une grâce que ça ne dépend pas de nous. C'est ça la gloire en gloire. Je suis de plus en plus dépouillé de ma vieille nature, de plus en plus dépouillé du vieil homme. L'homme qui vous parle présentement a beaucoup de travail à faire. N'est-ce pas, chérie? Énormément. Toi aussi un petit peu. Beaucoup moins, mais encore un peu, des fois. Moins, mais un peu quand même. On est dans le vrai, là. Hein, les couples, on ne peut pas se compter d'histoire. On se voit avec les crottes dans les yeux. On se voit dépeigné. On se voit avec la réalité. Je parlais avec Daniel et Jerry, combien? 46? de bons et de mauvais jours. de bons et de moins bons jours. De bons et de moins bons jours, confrontés par notre nature. Mais il y a une porte. Il y a une façon. Paul dit, le mal que je... le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, voilà, je me surprends à le faire. Qui me délivrera de ce corps de mort-là? Ça ne marche pas! Le corps que tu m'as donné, la machine que tu m'as donnée, ça ne marche pas! Le bouton mensonge est collé! La poulie colère, elle tourne dans le vide, là. Elle n'arrête pas, là. Il y a des straps à changer, il y a quelque chose. Qui va me délivrer de ça? Gloire soit rendue à Jésus. Quand Jésus entre, non seulement il met ces choses-là en lumière, mais il permet qu'on change. Mais il faut comprendre une certaine réalité. Ne prie pas que Dieu te change. Parce que si tu es bien attaché à ces choses-là, Dieu ne les enlèvera pas. Prie que Dieu te montre les vraies affaires. Hein, je parle en québécois. Dieu, montre-moi les vraies affaires, là. Hein? Montre les bobos, là. Montre les choses qui ne vont pas bien. Montre les aspects de ma vie où j'ai besoin d'être transformé. Venez avec moi, Éphésiens 4, verset 22. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de désirs trompeurs. Il y a un conflit qui prend place. Quand tu apprends à connaître Jésus, quand tu t'approches de lui, il y a toutes sortes de choses qui vont être révélées dans ta vie. Dieu t'aime assez qu'il ne veut pas te laisser avec toutes ces affaires-là. Et je ne pourrais pas les énumérer. Chacun d'entre nous, on a nos aspects. On peut être super dans quelque chose, superman dans des aspects, puis zéro man dans d'autres aspects. Et toutes les femmes disent « Amen ». C'est tellement vrai, pasteur. On peut être super dans des choses, puis nul dans d'autres affaires. Vraiment pas bon. Et Dieu nous aime assez qu'il veut qu'on change. Alors qu'on apprend à le connaître, alors qu'on le cherche par la prière, alors qu'on dit, Seigneur, on l'écoute, tu rouvres ta Bible, apprends pas les versets par cœur, écoute les versets. Écoute-les. Laisse-toi parler. Ouvre ta Bible, laisse-toi parler, parce que Jésus veut te dire dans sa parole. Prie, énumère pas, fais, passe pas ta liste. Écoute ce qu'il a à te dire. Lui, là, il attend. Il va te montrer où il faut sortir les poubelles. Il va te montrer où sont les poubelles, puis où les sortir. Mais il ne les sortira pas à ta place. C'est à nous de dépouiller le vieil homme. C'est à nous de dire, ça va faire. Enough is enough. Et on ne va pas le dire à la manière de Dominique Michel, hein? Fini, hein, puis l'année suivante, elle revient encore. Mais c'est fini, non, mais tu sais, quand c'est fini, puis l'année suivante, ça revient plus. Hein, c'est revenu une publicité de lait pour ceux qui ne le savent pas. Guillaume, peut-être, t'es pas été au courant. Il y avait une émission d'humoristique à chaque fin d'année. Et une comédienne très populaire, Dominique Michel. Puis à chaque fin de sketch, elle disait qu'elle était fatiguée, puis elle était tannée. Puis elle a dit ça pendant 10 ans. Ou je ne sais pas combien d'années, mais en tout cas, c'était rendu une blague, là. Tu sais, elle disait, là, puis elle disait, « Ah, je reviens plus, c'est fini. » Fini, puis là, l'année suivante, elle était encore là. Mais dépouiller le vieil homme, là, c'est fini, c'est fini. C'est la réalité du baptême aussi. Connaître Jésus, dépouiller le vieil homme, puis renaître à nouveau, avec une nouveauté de vie. Si vous voulez pas être déçu, c'est à vous de sortir vos poubelles. Mais Dieu peut te donner la force pour soulever beaucoup de poubelles. Dieu peut te montrer où est-ce que c'est que ça sent mauvais. Il peut te montrer le raton laveur qui est mort en dessous de ton sous-sol puis que ça sent l'odeur monde. Il peut te montrer tous des aspects de ta vie, des choses qui sont cachées. Je vous donne une image, mais parce que je peux pas donner des exemples personnels. Mais je vous donne une image un peu... Il peut vous montrer où est-ce qu'ils sont. Ce qui sent mauvais dans ta vie, il va te le montrer. Il peut te donner la force de le prendre, de t'en débarrasser. Mais c'est quand même toi qui vas sortir les poubelles. Parce que Dieu ne s'impose jamais dans nos vies. Il respecte notre volonté. Il nous a fait à son image. Il a une volonté. Il nous a donné une volonté indépendante. Mais quand on le connaît, quand on lui laisse la place, il change énormément de choses. C'est comme la parabole du semeur. Moi, j'ai la parabole du semeur 2. Le film Parabole du semeur 1 est sorti. Parabole du semeur 2 est sorti. Ceux qui ne le connaissent pas, cette parabole-là, c'est Jésus qui dit, il y a quelqu'un qui jette la semence, il y a de la semence qui tombe dans le chemin. Ça, c'est quand l'ennemi vient et qu'il enlève la semence. C'est un symbole de ce que Dieu déclare, la parole de Dieu. Quand l'ennemi enlève, une semence qui tombe dans les pierres, ça pousse vite, mais ça sèche parce que c'est superficiel. Une semence qui tombe dans les ronces, c'est étouffé par d'autres choses. Puis une semence qui tombe dans la terre et qui porte du fruit. Parabole 2 sur le semeur. Prochaine fois qu'il part, Jésus, peux-tu arranger ton terrain un petit peu? Si tu es superficiel, il y a de la roche à sortir. Qui a déjà ramassé de la roche? Si tu trouves que la vie est plate, que les temps sont difficiles, dis-toi que ça pourrait être pire. Tu pourrais ramasser de la roche. J'ai des souvenirs très nets dans ma vie avec mes grosses bottes de caoutchouc dans la boîte au printemps. C'est bientôt qu'ils vont ramasser la roche, là. Parce qu'à chaque printemps, les pierres sortent d'une façon miraculeuse du sol. Il y a une multiplication de roches dans les champs. Puis il faut les ramasser, ces roches-là. Puis tu marches dans la boîte qui cale. Puis ta botte reste poignée dans la boîte. Ta chaussette tombe dans la boîte. Là, tu as les pieds mouillés dans la boîte. Il fait 2 degrés, 3 degrés Celsius. Tu gèles. Tu as mal au dos. Tu ramasses de la roche. Pour que quand une semence va tomber dans ce sol-là, ça porte du fruit, ça ne soit pas superficiel. Quelle belle image, Seigneur! Merci, Seigneur Jésus! Souvent, dépouiller le vieil homme, c'est comme ramasser de la roche. Dieu va te montrer le gros tas de roches. Il va te donner la force, mais pense pas que c'est agréable. Pense pas que c'est facile. Je vous mentirais de dire. C'est des choses, des fois, dans ta vie que tu as vécu toute ta vie dedans. Tout le monde le voit, sauf toi. Mais alors que tu connais Jésus, il te le montre. Puis tu peux dire, ah là là là là là, Dieu est bon. Tu peux décider de ne pas le voir ou tu peux décider de l'enlever. C'est une étape essentielle. C'est là la grande étape. C'est là la grande étape. Les changements ne viennent pas tant qu'on ne dépouille pas notre vieil homme. Dieu peut nous donner la force, la capacité de ramasser de la roche, même si c'est pire. Puis je peux vous dire des fois, dépouiller le vieil homme, c'est plus facile que de ramasser de la roche. Il n'y a rien de pire que ramasser de la roche. Éphésiens 4, verset 23. Et vous laissez renouveler par l'Esprit dans votre intelligence. Vous laissez renouveler par l'Esprit dans votre intelligence. Quand on accepte de se dépouiller, il y a des choses qui prennent place. Et je vous dis, les changements magiques, c'est d'abord dans notre façon de penser. Souvent, on essaie d'être renouvelé dans notre intelligence sans avoir dépouillé le vieil homme. Puis par nous-mêmes, on cherche une révélation. On doit connaître Jésus, on doit dépouiller le vieil homme. Il y a un renouvellement qui est possible à ce moment-là, qui se passe dans nos pensées. Un renouvellement qui est possible. Tellement c'est fort. Comment Paul peut dire, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain, s'il n'y a pas un renouvellement dans son intelligence? S'il n'y a pas une façon complètement nouvelle de penser. Les chrétiens qui changent le monde ont changé complètement leur façon de penser. Ça, c'est vraiment contre-intuitif. C'est vraiment contre tout ce qu'on nous enseigne de préserver notre vie. Mais Paul est rendu à un niveau où, « Hey, ma vie, je l'ai abandonnée complètement à Jésus. J'ai sorti beaucoup de roches de ma vie. J'en avais un gros paquet de roches. Je l'ai connu d'une façon, sur mon chemin de Damas, je l'ai connu d'une façon surnaturelle, d'une façon grandiose. Il a touché ma vie. J'ai sorti ces choses-là, ma pensée change, ma pensée n'est plus la même. Et là, je peux déclarer que Christ est ma vie, et même la mort ne me fait plus peur, même si c'est un gain, c'est un avantage, je vais aller auprès de lui. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui a une pensée transformée. Ou comme on dit dans Philippiens 4, 13, « Je ne puis tout par celui qui me fortifie. » Ce n'est pas une pensée qui est transformée. 2 Corinthiens 12, verset 10, dans la Louis II. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités. Ça va pas? J'ai-tu bien lu? C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions. Arrête là, Paul. Arrête dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça, c'est la folie. Ça, c'est l'Évangile poussé à son paroxysme. Ça, c'est l'Évangile qui vient, que tu reçois, qui te transforme et qui porte du fruit, qui te dépasse toi-même, qui vient changer complètement ton raisonnement. Ça, c'est des gens qui peuvent rencontrer des personnes dans les souffrances, dans la douleur, dans l'incompréhension, des personnes brisées en mille morceaux qui ont des paroles de vie pour eux parce qu'ils l'ont reçu pour eux-mêmes. Des gens qui ont un raisonnement qui dépasse l'entendement, une foi qui déplace les montagnes parce qu'ils ont connu Jésus, ils se sont laissés être transformés. Ils ont accepté de se détacher de choses pour le connaître plus et leur raisonnement, leur façon d'être a été transformé. Et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Ça se fait tout seul après. Tu as juste à revêtir. Tu as le goût de revêtir l'homme nouveau parce que tu penses déjà comme l'homme nouveau. Ton raisonnement est déjà là. Changer. Alors, ce qu'on voit souvent dans l'Évangile, c'est « comporte-toi comme un homme nouveau, renouvelle tes pensées et apprends à le connaître. » Et le vieil homme va partir. Alors, tu apprends à le connaître, tu dépouilles le vieil homme, tes pensées sont transformées et l'homme nouveau prend place. L'homme nouveau prend place. Je vous dis, ce changement-là ne peut pas prendre place tout seul. C'est une grâce. Et je vous dis moi-même, je suis confronté par ces choses-là, par ces concrets. Et on ne pourra pas espérer un changement dans le monde qui nous entoure si on n'espère pas un changement en nous-mêmes. On ne pourra pas espérer une vie nouvelle dans le monde qui nous entoure si on ne vit pas une vie nouvelle pour nous-mêmes. C'est concret. C'est concret dans nos relations avec nos enfants. Ce matin même, je suis fâché contre mon fils. J'ai dit, je voulais le tuer. Je voulais le tuer. Parce qu'à chaque fois que je prêche, il y a trop de dire des affaires qui m'énervent. Mais là, quand j'apprends à connaître Jésus, est-ce que ces paroles-là peuvent prendre place encore dans ma vie? Est-ce qu'elles peuvent prendre place dans la relation avec mon épouse? Est-ce qu'elles peuvent prendre place dans la relation avec les gens qui m'entourent? Est-ce que je peux encore changer à 46 ans? Est-ce que je peux encore changer à 92 ans? Est-ce que je peux encore changer à 5 ans comme Abigail? Est-ce que je peux encore changer nouveau marié? Est-ce que je peux encore changer futur marié? Est-ce que je peux encore changer futurs parents, hein? On a fait un enterrement, on va avoir un mariage, je veux présenter des bébés. Est-ce qu'on peut encore changer? Est-ce qu'il y a des choses qui traînent dans ta vie depuis des années? Est-ce que Jésus peut encore le changer? Moi, je dis oui. Moi, je te dis oui. Apprends à le connaître. Trouve tous les moyens pour le connaître. Puis Dieu va te montrer un chemin. Puis Dieu va te donner une force. Puis tu vas les sortir, les vidanges. Tu vas les sortir, des vidanges. Tu peux sortir des vidanges de 30 ans. Tu peux sortir des vidanges de toute une vie. Des mauvais plis de toute une vie. Tu dis, non, ce vêtement-là va toujours avoir un mauvais pli dedans. Non, non. Dieu peut repasser des vêtements qui ont toujours été tout croches. Il peut le faire dans ta vie. Si tu acceptes simplement, si tu es prêt à ramasser un peu de roche, si tu es prêt à s'ouvrir un petit peu. J'ai été béni dans ma vie de souffrir un petit peu pas mal beaucoup. Puis Dieu, les plus grands changements dans ma vie, il les a faits à ces moments-là. Puis je m'engage à l'Église communautaire Mountain View avec ce désir-là que Dieu fasse des grandes choses encore. Puis là, je vous le déclare, je n'étais pas dans mes notes, mais je suis prêt à souffrir encore pour entrer dans l'homme nouveau. Je suis prêt à broyer une shot encore. Je suis prêt à me détacher encore. C'est pas Jésus qui va me sortir les vidanges. C'est moi qui vais me dépouiller du vieil homme. Mais il va me donner la force de le faire. Il va me permettre de le prendre, le vieil homme, par la gorge. De le serrer comme il faut. De prendre tous ces aspects-là mauvais de ma vie et de les sortir. Et d'être changé, d'être transformé. Parce que je veux goûter aux bonnes choses. Parce que je veux être renouvelé dans mes pensées. Parce que je veux revêtir le nouvel homme. Parce que je veux être un disciple de Jésus. Parce que je veux que le monde le connaisse. Est-ce que vous voulez ça aussi? Amen. Est-ce que je peux prier pour vous? Tu aurais dû avancer de... Je finis ça à coche, OK? C'est correct? Je finis ça à coche. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, merci de ta fidélité. Éternel Dieu, ce que j'ai déclaré ce matin, je le déclare sur ma propre vie. Je veux goûter à ce que c'est être un disciple de Jésus. Je veux te connaître, Jésus. Je veux que ce qui est mauvais en moi soit mis en lumière afin que je puisse m'en débarrasser, éternel Dieu. Afin que mes pensées, alors que je me débarrasse du mal, j'ouvre une porte à voir des pensées grandioses, des pensées que je lis dans la Bible, duquel j'ai entendu parler, mais que je veux voir prendre place dans ma vie. D'un homme renouvelé, d'une femme renouvelée, que j'entends parler des héros de la foi, que la Bible me parle et que je veux faire partie, Seigneur Jésus. Aide-nous comme Église éternelle. Il y a des gens tellement poqués qui vont venir vers nous. Toutes sortes de personnes vont venir vers nous. Ils ont besoin d'hommes et de femmes transformés par toi, Seigneur Dieu, changés par toi, dépouillés de leur vieille nature, des hommes et des femmes qui ont sorti les pierres de leur vie afin que ta parole puisse porter du fruit en eux. Éternel Dieu, fais-nous cette grâce. Donne-nous ce courage-là, Seigneur Dieu, de nous détacher du mal, de pleurer une bonne shot, d'oublier, de sortir le vieil homme et d'entrer dans une vie nouvelle en toi. Vraiment, je veux sceller ces choses comme une réalité. Pour les jeunes hommes et jeunes femmes dans la foi, pour ceux qui ont de nombreuses années d'expérience avec toi, que chacun d'entre nous, nous puissions goûter des moments merveilleux où nous sommes transformés à ton image et que toute gloire te revienne à toi et à toi seul. Je te remercie à l'avance de l'œuvre que tu vas faire en nous. Merci que ici nous allons apprendre à te connaître et alors que nous allons te connaître, nous allons être transformés. Merci, Seigneur Dieu, que ce que tu as déposé en nous, ce qui va porter du fruit en nous, ce sera pour nourrir d'autres personnes et se déverser dans d'autres personnes. Et que ces choses-là vont se multiplier et multiplier encore parce que le Québec a besoin d'une Église qui te reflète vraiment, Seigneur Dieu. Merci à l'avance pour tout ce que tu vas faire. Et par la foi, je veux te donner cette action de grâce à l'avance, Seigneur. Je t'ai toujours dit, Seigneur Dieu, que je vis pour voir des vies transformées. Je veux me regarder dans le miroir, Seigneur Dieu, puis être transformé. Je veux voir ma sœur, mon frère, avec la lumière dans le visage, Seigneur Dieu, parce qu'ils sont transformés. Je veux voir des jeunes hommes, des jeunes femmes, des enfants, des adolescents qui sont transformés par ta main puissante. Je veux être témoin de ces choses-là. Je veux vivre pour cela, Seigneur Dieu. Et je suis prêt à souffrir pour ça, Seigneur. Merci. Parce que toi, tu demeures fidèle. Parce que tu nous aimes trop pour nous laisser dans notre vieille nature, parce que tu veux et que tu viens chercher une Église glorieuse et que si on veut le saisir par la foi, nous allons faire partie de cette Église. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que je vais voir par la foi, Seigneur, et que vraiment toute gloire, tout honneur et toute louange te reviennent à toi et à toi seul. Donc, Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis.